Chapitre 46e. Il manque quelque chose à Marguerite. Vers cette époque, Dixon revint à Londres et devint la femme de chambre en titre de Marguerite. Elle rapportait toutes sortes de nouvelles et de cancans de Milton. Comment Marthe était entrée chez Miss Thornton lorsque celle-ci s'était mariée. Puis venait un compte-rendu des filles d'honneur, des toilettes, du déjeuner, du jour de cette cérémonie intéressante. Comment on avait généralement trouvé que Mr. Thornton avait fait les choses trop grandement pour un homme auquel la grève récente avait causé de grandes pertes. Comment certains objets mobiliers, regardés par Dixon comme ayant une grande valeur, s'étaient donnés pour rien à la vente, ce qui était honteux quand on songeait à la richesse des gens de Milton. Comment Mrs. Thornton était venue un jour et avait fait deux ou trois bons marchés. Et comment M. Thornton était venu le lendemain et en témoignant trop vivement le désir qu'il avait de s'assurer d'une ou deux choses, les avait fait monter à la grande hilarité des spectateurs. De sorte que, ainsi que le disait Dixon, cela avait fait compensation. Si Mrs. Thornton avait payé trop bon marché, M. Thornton avait payé trop cher. Mr. Bell avait envoyé toutes sortes d'ordres au sujet de livres. Il n'y avait pas moyen de le comprendre. Il était si minutieux, il aurait fallu qu'il vînt lui-même. Mais les lettres ont toujours été et seront toujours plus embrassantes 100 fois qu'elles ne sont utiles. Dixon n'avait pas grand-chose à dire des Higgins. Sa mémoire avait une tendance aristocratique et lui faisait volontiers défaut lorsqu'il s'agissait des détails de la vie de ceux qu'elle regardait comme ses inférieurs. Nicolas se portait très bien, du moins elle le croyait. Il était venu plusieurs fois à la maison demander des nouvelles de Miss Marguerite. Il était seul avec Mr. Thornton. Et Marie? Oh, bien entendu, elle allait très bien, cette grande fille négligée et malpropre. Dixon avait entendu dire, ou peut-être l'avait-elle rêvé, quoique ce serait chose étrange qu'elle eût été rêvée de gens tels que les Higgins, que Marie travaillait maintenant à la manufacture de Mr. Thornton, parce que son père avait voulu qu'elle apprît à faire la cuisine. Mais qu'entendait-elle par cette sottise? Elle n'en savait rien. Marguerite convint volontiers que cette histoire était assez incohérente pour ressembler très fort à un rêve. Cependant, il lui était doux d'avoir maintenant auprès d'elle quelqu'un avec qui parler de Milton et des gens de Milton. Dixon n'aimait pas beaucoup ce sujet de conversation. Elle lui voulut laisser dans l'ombre cette partie de sa vie. Elle préférait s'étendre sur certains discours de Mr. Bell, qui lui avait suggéré l'idée de ce qu'était réellement son intention, c'est-à-dire qu'il comptait faire de Marguerite son héritière. Mais sa jeune maîtresse ne lui donnait sur ce sujet aucun encouragement. Elle ne répondait rien aux questions qu'insinuait la femme de chambre, tantôt sous la forme de doute, tantôt sous celle d'assertion. Marguerite avait grand désir d'apprendre que Mr. Bell avait fait un de ses voyages d'affaires à Milton, car il avait été bien convenu entre eux à Hailstone que l'explication en question serait donnée à Mr. Thornton verbalement, et quand l'occasion s'en présenterait naturellement. Mr. Bell n'était pas un correspondant bien actif. Cependant, il écrivait de temps à autre des lettres, tantôt courtes, tantôt longues, selon la disposition où il se trouvait. Et bien que Marguerite n'eût pas conscience d'un espoir précis et bien défini lorsqu'elle recevait ses lettres, cependant elle achevait toujours de les lire avec un peu de désappointement. Il ne se disposait pas à aller à Milton. Il n'en disait rien, du moins. Eh bien, elle aurait de la patience, elle attendrait. Tôt ou tard, les choses s'éclairciraient. Les dernières lettres de Mr. Bell étaient courtes, tristes, et mêlées d'une amertume inaccoutumée. Il semblait ne rien espérer de l'avenir, regretter au contraire le passé et être bien las du présent. Marguerite craignit qu'il ne fût malade, mais en réponse à quelques questions qu'elle lui fit au sujet de sa santé, il lui écrivit un billet très bref dans lequel il lui disait qu'il y avait de par le monde une vieille maladie nommée le spleen, qu'il en était atteint, et qu'il lui laissait à décider si cette maladie était morale ou physique, mais qu'il désirait pouvoir se soulager en grommelant sans être obligé d'envoyer chaque fois un bulletin de sa santé. Marguerite ne se permit donc plus de questions sur ce sujet. Un jour, Edith lui parla par hasard d'une conversation qu'elle avait eue avec Mr. Bell la dernière fois qu'il était venu à Londres. Marguerite en inféra qu'il avait quelque idée de l'emmener l'automne prochain à Cadix, faire une visite à son frère et à sa belle-sœur. Elle questionna Edith jusqu'à ce que celle-ci, impatientée, déclara qu'elle ne pouvait se rappeler rien de plus. Qu'il s'était borné à dire qu'il avait presque envie d'aller savoir par lui-même ce que Frédéric avait à dire pour sa défense au sujet de la sédition. Et que ce serait là une bonne occasion pour Marguerite de faire connaissance avec sa belle-sœur. Qu'il faisait toujours quelques voyages pendant les grandes vacances. Et qu'il ne voyait pas pourquoi il n'irait pas en Espagne tout aussi bien qu'ailleurs. C'était tout. Edith ajouta qu'elle espérait que Marguerite n'avait pas envie de les quitter, et qu'elle ne pouvait comprendre pourquoi sa cousine était si désireuse qu'elle lui rapportât tout cela. Et alors, n'ayant rien à faire dans le moment, elle se mit à pleurer en disant qu'elle aimait 100 fois mieux Marguerite que Marguerite ne l'aimait. Celle-ci la consola de son mieux, mais il ne lui fut pas possible de lui expliquer combien l'idée de ce voyage, bien que ce ne fût probablement qu'un château en Espagne, la charmait et la ravissait, car Edith était en disposition de regarder tout plaisir pris sans elle comme un affront tacite et une preuve d'indifférence. Marguerite fut donc obligée de renfermer sa joie, mais une conversation avec Dixon lui servit de soupape de sûreté. Elle demanda à sa femme de chambre, en s'habillant pour le dîner, si elle ne serait pas bien contente de voir Maître Frédéric et la nouvelle mariée Dolores. Elle est papiste, miss, à ce que je crois, dit Dixon. Je le pense. Oh oui, certainement, dit Marguerite, un peu refroidie par cette idée. Et ils vivent dans un pays papiste? Oui. Alors je crains d'être obligé de dire que le salut de mon âme est plus cher que Maître Frédéric lui-même. Je serai dans une terreur perpétuelle d'être converti, miss. Oh, il n'est pas bien sûr que nous fassions ce voyage. Et si je le fais, je ne suis pas si grande dame que je ne puisse me passer de vous. Non, cher vieil Dixon. Vous aurez un grand congé si nous y allons, mais il y a bien des si, hélas. » Ce discours ne plut que médiocrement à Dixon, pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'aimait pas cette manière de Marguerite de l'appeler sa chère vieille Dixon, dans les moments où celle-ci se montrait particulièrement démonstrative. Elle savait, à la vérité, que Miss Hale avait coutume d'appeler vieux tous les gens qu'elle aimait, et que c'était chez elle un terme d'affection. Néanmoins, Dixon n'approuvait pas qu'elle le lui appliquât, car n'ayant guère plus de 50 ans, elle se croyait encore à la fleur de l'âge. Secondement, elle n'aimait pas à être si aisément prise au mot. Malgré sa terreur, l'Espagne, l'Inquisition et les mystères papistes lui inspiraient une certaine curiosité, de sorte qu'elle demanda à Miss Hale si elle pensait qu'en ayant soin de ne voir jamais un seul prêtre et de n'entrer dans aucune église, il y aurait pour elle beaucoup de dangers d'être convertie. Maître Frédéric, à la vérité, s'était bien laissé entraîner d'une manière inexplicable. « Je crois que l'amour l'avait prédisposé à une conversion, » dit Marguerite en soupirant. « En vérité, miss, » s'écria Dixon, « eh bien, je pourrais à la rigueur me garder des prêtres et des églises, mais l'amour vient sans qu'on y pense. Je crois décidément que je ferais mieux de ne pas y aller. » Marguerite craignait de s'attacher par trop à l'idée de ce voyage, mais d'un autre côté, cela l'empêchait de songer avec trop d'impatience au désir qu'elle avait que tout fût expliqué à Mr. Thornton. Mr. Bell paraissait, pour le moment, être stationnaire à Oxford et n'avoir aucune intention immédiate de se rendre à Milton, et une secrète réserve empêchait Marguerite de faire dans ses lettres la moindre allusion à cette visite projetée. Elle n'osait pas non plus lui parler du projet de voyage en Espagne. Elle ne lui en avait rien dit à Helstone, où le loisir ne lui en avait pas manqué. Ce n'avait été là probablement pour lui qu'un amusement d'imagination. Mais si c'eût été vrai, quelle agréable variété cela eût apporté à la vie monotone qu'elle menait à Londres. Elle commençait à en être fatiguée, bien qu'elle fût aimée de tous ceux qui l'entouraient, et qu'elle s'amusât souvent beaucoup du fils d'Edith. Il était l'orgueil et le joujou de son père et de sa mère, tant qu'il était sage. Mais il était entêté et volontaire, et lorsqu'il entrait dans une de ses colères, Edith se jetait dans son grand fauteuil, fatiguée et désespérée, en s'écriant « Oh mon Dieu, que vais-je faire de lui ? Je t'en prie, Marguerite, sonne Henley. » Mais Marguerite l'aimait peut-être plus, dans ses manifestations d'un caractère entier, que lorsqu'il était bien sage et bien tranquille. Elle l'emportait alors dans une chambre où ils bataillaient ensemble, jusqu'à ce que la fermeté de Marguerite eût ramené l'enfant au calme. Et alors elle mettait en œuvre, pour le convaincre de son tort, tout le charme et toute l'adresse de son esprit. jusqu'à ce que Sholto vint frotter sa petite figure rouge et barbouillée de larmes contre la sienne, l'embrassant, le caressant souvent jusqu'à ce qu'il se fût endormi sur son épaule. C'était là de doux moments pour Marguerite. Il lui donnait quelque idée de jouissance qu'elle croyait ne jamais devoir goûter. Mr. Henry Lennox était, par ses fréquentes visites, un des éléments agréables de la vie de Harley Street. S'il était plus brillant qu'autrefois, Marguerite le trouvait aussi plus froid. Mais ses goûts intellectuels, ses connaissances variées, relevaient la conversation qui sans lui eût souvent été insipide. Marguerite apercevait chez lui des lueurs de mépris pour son frère et sa belle-sœur, pour leur genre de vie qu'il semblait considérer comme frivole et inutile. Il demanda une ou deux fois à son frère, en présence de Marguerite, s'il avait ou non l'intention de renoncer à sa profession. Et sur la réponse du capitaine Lennox qu'il avait bien assez pour vivre, elle avait vu la lèvre de Henry se plisser avec dédain lorsqu'il avait dit à son frère « Ne vivez-vous donc que pour cela ?» Mais les deux frères s'aimaient néanmoins beaucoup, comme peuvent s'aimer deux personnes dont la plus intelligente domine sans cesse l'autre, qui supporte volontiers son empire. Mr. Lennox avançait dans sa profession. Il cultivait soigneusement tous ceux qui pouvaient lui être ou lui devenir utiles. Il était habile, prévoyant, satirique et orgueilleux. Depuis la longue conversation que Marguerite avait eue avec lui, en présence de Mr. Bell, au sujet des affaires de Frédéric, ils n'avaient eu que peu de relations ensemble, autres que celles qui naissent inévitablement de leurs rapports intimes avec la même famille. Mais cela avait suffi pour faire disparaître chez elle tout embarras, et chez lui tout symptôme de vanité blessée. Ils se voyaient continuellement, mais Marguerite crut remarquer que Henry évitait de la rencontrer seule. Elle s'imaginait qu'il remarquait comme elle combien ils avaient dérivé en sens divers dans leurs goûts et dans leurs opinions, depuis l'époque où ils s'étaient trouvés à l'ancre l'un à côté de l'autre. Et cependant, lorsqu'il avait parlé plus éloquemment que de coutume, ou fait quelque épigramme spirituel, elle sentait que son regard cherchait le sien avant tout autre, ne fût-ce que pour un instant, que dans le rapport de chaque jour il écoutait son opinion avec une déférence d'autant plus flatteuse qu'elle était involontaire et soigneusement cachée.